l'énergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Nous sommes mercredi 28 mai 2025. Bonjour et merci pour votre fidélité. Bienvenue dans cette édition spéciale en synergie centrée sur l'état d'avancement de la distribution actuelle du carburant après la mise en place de la société pétrolière du Burundi, Sopebu, pour rendre disponibles les produits pétroliers. Le prix du carburant qui ne baisse pas alors que sur le marché international, le prix du baril continue à diminuer. Participe dans cette édition en synergie des médias Radio Bunisha FM Isanganiro, Rema FM, Shima FM de Lumonge, Rimesha Mahoro de Kirundo et Agaseke de Ruigi. À la présentation de ce journal en synergie, vous êtes avec Joyce Guylaine Imanishimwe et Evariste Nzikobanyanga. À la réalisation, Alain Niyomuchamanza, Alain Désiré Bukeneza et Pascal Ndikumana. À la mise en onde, vous êtes avec Séraphine Hakidimana. Bienvenue. Synergie des médias au Burundi. La baisse du prix du baril et du pétrole brut s'observe sur le marché mondial depuis le mois de janvier 2025. Jusqu'au début de cette semaine, le baril avait déjà connu une baisse de 22%. Mais au niveau du Burundi, malgré cette baisse, les prix du carburant n'ont pas encore bougé. Le prix du baril ayant actuellement chuté de 82 à 64 dollars américains depuis le mois de janvier de l'année en cours. Les détails avec Pascal Naïman. Comme nous le montre le site prixdubaril.com, les cours du pétrole brut du mois de janvier 2025 montraient que le prix du baril sur le marché mondial est passé de 82 dollars à 78,5 dollars américains. Au mois de février, ces cours du pétrole brut montrent que le prix du baril est passé de 77 dollars à 75 dollars américains. Au mois de mars, le prix du baril est passé de 71,6 dollars à 70,5 dollars américains. Ce même site montre qu'au mois d'avril de cette même année, le baril est passé de 70 dollars à 67 dollars américains. C'est au moment où, pendant cette dernière semaine du mois de mai, le prix d'un baril de pétrole s'achète à 64,2 dollars américains. Ces cours de pétrole brut, depuis le mois de janvier 2025 jusqu'à la dernière semaine du mois de mai, ont connu une tendance baissière, soit une chute de 22%. Même si cette baisse du prix du baril se fait sentir au marché mondial, depuis le mois de janvier 2025, au Burundi, le prix reste de 4000 francs burundais pour le litre d'essence et 3925 francs burundais pour le litre du gazoil, comme nous le montre le site. Pascal Nahimana, et la dernière baisse date de février 2024. Un litre d'essence super est passé de 4350 francs bou à 4000 francs bou. Le prix du mazout est passé de 4235 francs bou à 3925 francs bou le litre. Et celui du pétrole est passé de 4250 francs bou à 3905 francs bou le litre, soit une baisse variant entre 310 francs bou et 350 francs-bou. Cette baisse ayant été due à la diminution des coûts de transport des hydrocarbures, notamment par bateau, depuis la raffinerie vers le port de Dar es Salaam en Tanzanie. Comment est appréciée actuellement la distribution du carburant par la société pétrolière du Burundi? Certains des conducteurs de véhicules de la mairie de Bujumbura apprécient positivement la manière actuelle dont est distribué le carburant à la pompe une fois disponible. Cela étant ceux qui se sont confiés à nos reporters, mais qui ont requis l'anonymat, indiquent que parfois la distribution de ces produits pétroliers est caractérisée par le favoritisme nationalisme et le népotisme. Ils estiment que l'ordre devrait être strictement respecté pour satisfaire tout le monde au même pied d'égalité. N'est-ce pas Clovis Niungut? Des files d'attente de voitures attendant d'être servies en carburant s'observent devant différentes stations-service de la mairie de Bujumbura, la capitale économique. Aux stations-service visitées ce mardi, comme la station située à l'avenue de l'imprimerie dans le quartier Nyakabiga 3 et celle de la station Pomao située à l'avenue de l'université, les voitures attendaient patiemment le carburant. D'un côté, certains chauffeurs rencontrés sur place, mais qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos appareils, apprécient la façon dont le carburant est distribué lorsqu'il est disponible. Ils précisent qu'il y a respect de l'ordre d'arrivée des voitures sur les files d'attente. D'un autre côté, d'autres évoquent qu'il persiste cependant quelques cas de favoritisme dans la distribution. Néanmoins, ils rapportent qu'avec la campagne électorale en cours pour les législatives et communales, la fréquence de la distribution a diminué. Ils expliquent qu'il y a des cas où le carburant soit disponible et que l'aide indique qu'il est destiné aux formations politiques alors qu'ils attendent patiemment depuis des jours. Certains nous ont fait savoir qu'ils attendaient ce produit pétrolier depuis des semaines mais qu'ils ne savaient pas quand ils allaient être servis. Tous ces conducteurs plaident pour l'augmentation du carburant et le respect de l'ordre d'arrivée en cas de distribution. Merci à Clovis Niyonguru. Quittons Bujumbura et rendons-nous à Rumonge où la ville de Rumonge peut passer un mois sans une goutte de carburant sur les 9 stations-service de cette localité. Cela est témoigné par certains transporteurs et propriétaires des stations-service. Ces derniers demandent aux autorités burundaises de prendre des mesures durables pour gérer cette situation. Gilbert Ngendakumana pour plus de détails. Comme nous l'avons constaté, quand nous sommes passés sur les 9 stations-service se trouvant au chef-lieu de la province Rumonge, aucune de ces stations ne distribuait de carburant. Certains propriétaires des stations que nous avons pu rencontrer nous ont révélé qu'ils y peuvent passer même tout un mois sans aucun approvisionnement ni en essence ni en mazout. Il y a 2 semaines qu'on nous a approvisionné en carburant. Nous avons eu 10 000 litres d'essence et 10 000 litres de mazout. Nous pouvons passer 3 semaines, voire un mois, sans nous approvisionner. Je dis qu'il n'y a pas ici des carburants. Il y a de cela quelques temps, mais nous gardons espoir. Certains chauffeurs contactés déplorent son manque de carburant qui s'accentue ces derniers jours. Ils ajoutent que, même si le carburant arrive, sont privilégiés ceux qui parviennent à corrompre les pompistes. Même quand le carburant arrive, nous sommes mal servis, nous les motards. Toutefois, nous admirons le commissaire communal Rouinki distribuer le carburant avec équité au moment où les autres privilégient les véhicules et les bidons. Ces chauffeurs disent que, pour continuer à exercer leur métier, ils sont obligés d'acheter le carburant au marché noir. Ce qui leur coûte cher, leur créant ainsi des ennuis. Nous recourons au marché noir en Tanzanie, ce qui nous coûte cher, nous créant ainsi des ennuis avec nos clients et nos patrons. Il demande au gouvernement de tout faire pour remédier à cette situation. Nous demandons aux autorités de réagir. Nous demandons que le carburant soit distribué dans l'équité. Contactée à ce sujet, l'administration provinciale nous a révélé que, depuis le système de l'application Digitolopass, la supervision de la distribution du carburant est assurée par la police et les agents de la SOPEBU. Depuis le Monge, Gilbert Ngendakumana pour la synergie des médias. Merci à Gilbert Ngendakumana depuis Rumonge. De Rumonge, cap sur Ruigi, où certains conducteurs de véhicules de cette province affirment que la distribution du carburant dans cette province se déroule normalement pour le moment. Ils expliquent cette situation par la mise en place de l'application Guitoropass. Cependant, ils font savoir que la pénurie du carburant est une réalité et exige de trouver une solution durable à cette problématique. Suivez ce micro-baladeur réalisé par nos confrères de la radio Agaseke FM de Ruyiki. En fait, depuis la mise en place de l'application Igitoro Pass, la situation a petit à petit changé. Depuis ces derniers jours, des cas de spéculation ont été réduits. Avant, une personne pouvait donner l'application à son ami et il y avait beaucoup de chances que son carburant soit attribué à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, le carburant est distribué seulement selon le numéro de la plaque. Pour le moment, tous ces défis ne sont pas observés, sauf dans cette semaine où le carburant est donné en masse. Mais lors de l'utilisation de l'application Igitoro Pass, c'était facile, car on se présentait seulement après avoir reçu le message. Les choses sont devenues faciles lors de la venue de cette application Igitoro Pass. Si vous avez cette application dans votre téléphone et qu'on vous envoie un message annonçant la disponibilité du carburant, vous vous rendez à la station n'importe quand et cela ne cause aucun problème car le service est donné selon le numéro de plaque. Cette semaine, nous n'avons pas reçu du carburant. Il fallait aussi autoriser les gens de s'approvisionner aux pays voisins pour faciliter la circulation. Ce sont les habitants de la province Luyigi. Quittons Luyigi, nord du pays, rendons-nous au sud du pays, à Nyanzalak, où la mauvaise distribution du carburant s'observe quelquefois sur les stations-service de Nyanzalak et cela hante certains transporteurs de cette localité. À part cela, ces derniers indiquent qu'ils peuvent passer un mois sans carburant. Richard Kaboula, reportage. Selon le conducteur des véhicules de transport trouvés au parking situé au chef-lieu de la commune de Nyanzalak, le problème lié au manque de carburant persiste en province de Makamba, entraînant la perturbation de leurs activités quotidiennes. Il donne l'exemple de deux stations-service situées dans la ville de Nyanzalak qui ne fonctionnent pas il y a plus d'un mois à cause du manque de cet élément crucial pour la vie de la population. Pour ne pas suspendre leurs activités, ces chauffeurs disent qu'ils sont obligés de traverser la frontière pour aller s'approvisionner difficilement à Kigoma, bien que ce soit à un prix cher en raison de la dévaluation de la monnaie burundaise. En commune de Nyanzalak, il y a 6 stations-service, dont des situées au chef-lieu de cette commune. Depuis Nyanzalak, Richard Kaboura pour la synergie des médias. Urunani kwa maradio mu Burundi. Au chapitre des réactions, l'Association burundaise des consommateurs à Boukou, en sigle, pense que ce qui est très important est de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour permettre l'approvisionnement régulier en carburant. Propos de Pierre Ndouaïo, président de cette association, tenant compte de la société Sopebou, mise en place par le gouvernement pour résoudre le problème de pénurie du carburant. Mais sans succès, Pierre Ndouaïo demande au gouvernement de prendre des mesures d'accompagnement pour permettre l'approvisionnement du carburant en quantité suffisante. Suivez Pierre Ndouaïo pour le compte de la Boukou. Ça fait un très beau bout de temps que nous observons une pénurie du carburant. Mais de temps en temps, nous avons entendu les autorités donner des discours d'espoir disant que le carburant allait être disponible d'un jour à l'autre. Depuis que le gouvernement avait mis en place la société Sopebou, on avait espéré que des mesures aussi d'accompagnement allaient être prises pour permettre l'approvisionnement régulier du pays en carburant, que ça soit l'essence ou le mazout, mais nous n'avons rien observé. Malgré qu'il y a eu certaines fois le changement des autorités, nous avons constaté que le problème est resté le même. Au niveau de la Boko, nous pensons que ce qui est très important, c'est vraiment de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour permettre l'approvisionnement du pays en carburant. Parce que quand on voit les pays qui sont autour de nous, le produit est disponible et n'est pas vraiment compréhensible que ce produit manque cruellement ici chez nous. Donc tout devrait être pris pour permettre un approvisionnement régulier. Sinon, toutes les autres mesures qui vont être prises sans que l'approvisionnement est régulier et le produit suffisant vont se heurter à des échecs comme nous le constatons jusqu'à aujourd'hui. L'incohérence dans la distribution du carburant. Au niveau de la Boko, comme nous l'avons déjà souligné, cette incohérence est due justement à la pénurie généralisée des produits, ce qui fait que même le changement des autorités à la tête de la SOPEBO n'ont jamais donné de répit aux consommateurs. C'est pourquoi, au niveau de la Bocone, nous disons que la meilleure solution serait de résoudre la problématique liée à l'approvisionnement du pays en carburant. Sinon, toute autorité qui sera chargée de la distribution d'une quantité très infime comme celle-là sera toujours confrontée à des problèmes vu que le carburant est un produit stratégique qui est demandé par tout le monde. Donc, ça sera vraiment très, très difficile d'assurer une distribution efficace dans une situation de pénurie généralisée comme celle-ci. Pierre Ndouayo, il est le président de l'Abouko et selon l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'ICOM en sigle, des irrégularités s'observent toujours dans la distribution du carburant. Gabriel Roussili, représentant légal de cet observatoire, estime que le gouvernement devrait mettre en place une commission d'experts indépendants sur la problématique carburant au Burundi dans l'objectif de mieux connaître que les opérateurs dans ce secteur travaillent pour l'intérêt national, on l'écoute. Vous voyez qu'avec le temps, au lieu que cette question trouve des solutions, la situation de pénurie des produits pétroliers continue à s'aggraver avec toutes les conséquences que vous connaissez en matière sociale, économique, culturelle, c'est sur tous les plans. Vous voyez que vraiment c'est une question cruciale. Avec cette situation, il est clair qu'il y a deux principaux défis qui doivent être relevés. Le premier défi, c'est le défi lié à la gouvernance. D'abord, on doit apprendre à gérer le peu de carburant qu'on dispose. Nous voyons que au niveau des stations, avec la nouvelle équipe, il y avait une diminution de ce que nous appelons les VIP qui passaient à côté et que les véhicules qui se trouvaient sur la ligne ne recevaient pas de carburant. Mais avec la nouvelle stratégie des jetons, la situation était presque normalisée et tout le monde était satisfait. Malheureusement, cette situation des VIP reviennent. Il est extrêmement important d'être rigoureux, surtout pour un produit sensible. Il faut d'abord commencer à servir les véhicules de sécurité, des administratifs qui comme le domaine de santé, etc. Mais aussi des véhicules utilitaires comme les bus et les véhicules de transport des marchandises. Mais aussi qu'il y ait un protocole rigoureux de suivi pour que réellement le carburant donné ne soit pas utilisé en dehors de l'objet principal qui est le transport. Il y a un autre principe qu'il faut peut-être utiliser, c'est la mise en place d'une commission indépendante qui pourrait aussi aider à rationaliser le peu de produits que nous disposons. La deuxième chose, c'est pour chercher des mesures à long terme. Je le conseillerais de mettre en place une commission d'experts indépendante qui va d'abord analyser en profondeur les causes profondes, même s'ils sont connus, c'est mieux que ça soit mis dans un rapport officiel. En deuxième lieu, cette commission doit dresser des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme, avec vraiment des indicateurs objectivement vérifiables pour arriver aux résultats escomptés. Gabriel Roussili, il est le président de l'Olicom. Contacté à ce sujet, le directeur général de la société pétrolière du Burundi, SOPEBO en sigle, nous a indiqué qu'il est trop pris pour le moment et a promis de s'exprimer à ce sujet dans nos éditions ultérieures. Et dans cette édition en synergie, on revient sur les missions de la SOPEBO. La société pétrolière du Burundi, SOPEBO en sigle, date de 2024. Parmi ses missions figurent l'importation des produits pétroliers, gaziers et leurs dérivés et de distribuer équitablement ces produits dans différentes localités du pays. Selon l'article 2 du décret du 20 février 2024 portant création de cette société, SOPEBO est aussi chargé de collecter des données utiles et tenir compte des statistiques périodiques pour faire une bonne planification d'importation et de distribution équitable des produits pétroliers à travers le pays. Les détails avec Woody Snaïeur. La société pétrolière du Burundi, SOPEBO en sigle, a vu le jour au mois de février 2024, créé par le décret numéro 100/034 du 20 février 2024, portant création, mission, organisation et fonctionnement de la SOPEBO, et est placé sous tutelle du ministère ayant l'énergie dans ses attributions selon le premier article. Nous trouvons les missions de cette société pétrolière dans l'article numéro 2, un article composé par 14 alinéas. Le premier alinéa stipule que la SOPEBU est chargée de planifier et coordonner les activités de promotion et de développement du secteur pétrolier. Elle est aussi chargée d'organiser, coordonner et centraliser les commandes du pays en produits pétroliers. C'est le second alinéa. La SOPEBU est chargée de constituer un stock stratégique et physique des produits pétroliers pour une consommation trimestrielle au minimum. C'est le troisième alinéa. Le cinquième alinéa stipule que SOPEBU importe les produits pétroliers, gaziers et leurs dérivés, suivi par la Alinéa 6, qui donne à cette société le droit de distribuer équitablement les produits pétroliers dans différentes localités du pays. Au 8e alinéa, la SOPEBU est chargée d'établir de bons partenariats tant nationaux qu'étrangers visant le développement du secteur. L'alinéa numéro 11 précise que SOPEBU est chargée de collecter les données utiles et tenir les statistiques périodiques du secteur des produits pétroliers nécessaires pour une bonne planification des importations et la distribution équitable dans toutes les localités du pays. Les deux derniers alinéas 13e et 14e stipule que SOPEBU est chargé de concevoir un montant financier visant à un approvisionnement continu, permanent et régulier des produits pétroliers dans le pays, mais aussi élaborer un plan d'approvisionnement adéquat pour le pays. Le capital social de la SOPEBU est de 120 milliards de francs avec 1000 actions d'une valeur de 120 millions de francs chacune, selon l'article 4 de ce décret. Le capital est libéré par l'État du Burundi ou les sociétés publiques. Ce capital social pouvant être réduit sur proposition du conseil d'administration conformément aux dispositions du code des sociétés. Toujours selon ce quatrième article, c'est au moment où la création de la société pétrolière du Burundi, SOPEBU, a été suivie par d'autres mesures visant l'approvisionnement en carburant, dont la mise en place de l'application Igitoro Pass. C'est aussi la considération de plaques d'immatriculation pour servir de carburant à différents véhicules. Willy Sindaihebura est le porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines. Paul Ndarihonyoye fait savoir que la baisse du prix du baril des produits pétroliers sur le marché international ne permet pas à elle seule de baisser le prix au niveau national. Il estime que le cours d'échange de dollars ne permet pas cette baisse. En outre, suivez-le. C'est vrai que le cours du baril des produits pétroliers a subi durant ces derniers mois de variation, des fois à la baisse. La tendance à la baisse du baril à lui seul ne peut pas justifier une baisse des prix des produits pétroliers sur le marché national, puisqu'il y a d'autres éléments qui entrent dans la structure de ces prix. Il y a aussi d'autres facteurs exogènes, comme le cours du dollar sur le marché de change, l'état de la sécurité régionale et internationale qui influence les échanges. En revenant sur les variations des mois passés, on constate que le baril des produits pétroliers a subi une hausse entre janvier et février de l'an 2025 en atteignant un pic de 88 dollars. Il est ensuite redescendu sur la période de février à mars jusqu'à 69 dollars avant de remonter entre mars et avril pour atteindre 75 dollars. Entre avril et mai, le baril est de nouveau à la baisse. Donc, vous voyez que nous observons sur le marché national des fluctuations du baril tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Donc, le gouvernement ne peut pas décider une baisse des prix des produits pétroliers sur le marché national tant que la baisse n'est pas prolongée. En plus, si nous revenons sur la période allant d'avril à mai, il faut savoir que malgré cette baisse du baril, nous constatons une appréciation des devises étrangères comme l'euro et le dollar, ce qui constitue un facteur défavorable à la baisse des produits pétroliers. Le gouvernement a donc préféré de garder des prix à la pompe inchangés. Donc l'important, c'est que ces produits soient disponibles. C'est-à-dire, ce qui est à la satisfaction du gouvernement, c'est de rendre disponibles les produits pétroliers et que tout celui qui en a besoin s'en approvisionne sans difficulté. Paul Ndarihonyoye, il est porte-parole du ministère en charge de l'énergie et mines. Voilà, c'est par cette réaction du ministère en charge de l'énergie que nous mettons un point final à cette édition Synergie des médias qui était centrée sur l'état d'avancement de la distribution actuelle du carburant après la mise en place de la société pétrolière du Burundi, Sopebu, pour rendre disponibles les produits pétroliers, le prix du carburant qui ne baisse pas alors que sur le marché international, le prix du baril continue à diminuer. Participez dans cette synergie, la radio Bonesha FM, Isanganiro, Rima FM, Shima FM, Dorumonge, Remesha Maro de Kirundo et Agaseke de Ruyigi. À la présentation de ce journal en synergie, vous étiez avec Joyce Guylaine et Manishim. Et Variste Nzikobananga était à la réalisation. Allez, Désiré Boukeneza, allez, Niyo Mouchamanza et Pascal Ndikoumana, Séraphine Nahimana, plutôt Séraphine Akizimana, assuré la mise en onde. Bonne suite de l'actualité en synergie des médias.